parlera. Je vois mon passé. C'est une très belle phrase. Cela signifie qu'il peut regarder en arrière pour voir loin, alors qu'on ne peut pas voir dans le futur. Cette phrase signifie que grâce au calcul et aux puissances de 10, on peut remonter dans le temps. Grâce au calcul, aux puissances de 10, on peut remonter le temps. Alors à quoi bon? À quoi bon construire des machines? À quoi bon prendre des calculatrices? Utilisez les puissances de 10. Et vous irez voir vos aïeux, vos ancêtres, cet Ajaco, oh que fier lui, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont fait l'être que vous êtes. Grâce aux puissances de 10, vous retrouverez l'état de terre, la finitude de l'infini. L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme de la terre. Une source très brillante, visible, est apparue en 1997. Il s'agit de l'explosion d'une étoile. Dans le grand nuage de Magellan. Aux puissances sans maléfice. Aux puissances de 10. Et pour trouver l'orifice. L'orifice qui nous mène vers le génie se sépare de la terre. Bravo les puissances de 10 qui nous font voyager dans le temps, l'espace, l'histoire, de sources brillantes qui illumine le ciel de Bordas, le ciel de Bordas qui te fait plaisir. Puissance de 10.